mecs pas gentils, vulgaires, sont les quelques femmes ambiance en fumée. Regarde au coin, rien que la crème. Tous ces gars-là, sourire c'est fini. Rouge des bas, cheveux des pères. Toi, ce que casse la nuque, je me démerge. C'est ce que voilà de ma sœur. En dessous de gaz et de jeu, mais un peu de vodka et ce qui donne des airs. N'existe pas, je n'insiste pas, je sais ce qu'est manigance là.